Et quand on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi ? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin ?